Le premier ministre cambodgien Hun Sen a insisté sur la solution pacifique du problème de la péninsule coréenne. Lors de son discours à l'Institut pédagogique du Cambodge du vent courant, il a dit que le problème de la péninsule coréenne a un caractère différent de celui de l'attaque militaire des États-Unis contre la Syrie et que l'attaque éventuelle américaine contre la Corée causera des dégâts non seulement à la Corée du Sud et au Japon, mais aussi aux territoires américains géographiquement éloignés. Il a souligné aussi que le Conseil de sécurité de l'ONU doit adopter sérieusement toutes ses résolutions pour la sécurité de la péninsule coréenne et que les pays intéressés doivent s'efforcer pour régler le problème par voie pacifique.